Micro ouvert. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro, ouh, est, le ouvert, micro est ouvert, à toi. Oh. Oh, oh. Voilà, maintenant, là, tout de suite, ça va se dérouler une fois par mois. C'est une idée à trois. Il y a Jeanne, Sido et moi-même. Nous nous trouvons autour de la table et nous avons à chaque fois un mois pour préparer notre info trouvée n'importe où. Que ce soit en bouquinant sur le net, en discutant avec les gens. Enfin, voilà, on a un mois pour préparer notre histoire. On ne sait pas du tout ce que l'autre a préparé. Donc, c'est une surprise. On réagit sur le vif, c'est du spontané. Et voilà, ça va se dérouler une fois par mois. Donc, on va entendre une bonne nouvelle, mais qui peut aussi être une mauvaise nouvelle. Et une mauvaise nouvelle qui peut être une bonne nouvelle. Alors, Jeanne, à toi. Alors, on vieillit tous. Et j'ai appris que d'ici 2040 environ, le nombre de personnes de 80 ans qu'on a maintenant va être multiplié par 3. Alors, imaginons qu'en Belgique, il soit 1 million, il y en aura 3 millions. Le nombre de personnes de 90 ans va être multiplié par 4. Il ne va y avoir que des vieux. Et un enfant qui naît maintenant, un enfant sur deux qui naît maintenant aujourd'hui, devrait vivre jusqu'à 100 ans. Donc, on va avoir plein de vieux. Nos parents deviennent vieux, ils ralentissent, ils ne peuvent plus être actifs et on ne sait plus s'en occuper. C'est juste trop triste. Et donc, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite de nos parents vieux qui deviennent dépendants quand ils tombent malades? Parce que tous les vieux, quand ils tombent malades, beaucoup, ont souvent ou Alzheimer, ou ils deviennent déments, ou ils se cassent le col du fémur, et ils deviennent sourds, ils sont dépressifs. Et les gens, ils ont beau aimer leurs parents, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs parents parce qu'ils ont une famille, ils ont un travail, et ils s'en occupent. Comme ils veulent, mais les gens parlent d'une génération sandwich, où ils doivent s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs... Et des vieux, et se sentent coupables de ne pas arriver. À faire les trois. Ouais, à faire les trois. Ou bien à faire surtout le dernier. À faire surtout le dernier, en fait. Parce qu'en fait, les vieux se sentent assez abandonnés, parce qu'une fois que les mères deviennent grand-mères, c'est beaucoup plus marrant un petit bébé qu'un vieux. Et forcément... Pourquoi, Jeanne? Pourquoi? Parce qu'il a toute la vie devant lui, quoi. Et l'autre est en train de mourir et t'as pas du tout envie de le voir se décrépir. Ouais, un vieux, ça pue, ça fait pipi sur lui, c'est surtout ça. On les infantilise, on leur propose toujours, ils vont tous à l'hospice, on leur propose, allez, maintenant, c'est Coral ou goûter, quoi. Nul. Et c'est juste trop triste. Et je voulais vous parler de ça parce que ça me touche un peu. J'aimerais qu'on s'occupe plus de nos vieux que les... Parce qu'une société qui s'occupe de ses vieux, c'est cool. Et okay. Voilà. Et la bonne nouvelle dans tout ça? Et la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, on va devenir vieux. Donc, on peut le prévoir et s'en occuper dès maintenant. Ah, c'est pas con, ça. Ouais. Hein? Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'occupe mal de nos vieux à notre époque. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va devenir vieux. Oui, c'est qu'on va devenir vieux et qu'on voit le truc arriver, quoi. Et on va tous devenir très vieux parce que l'espérance de vie augmente. Et que c'est fou que les gens ne pensent pas s'en occuper. Genre, c'est un problème qui va disparaître. Tiens, il va y avoir une bombe nucléaire et tous les vieux vont disparaître, je ne sais pas. Mais... Et il va falloir qu'on apprenne à s'occuper de nos vieux pour que nos enfants s'occupent de nous. parce qu'on va tous devenir déments et séniles et que ça va être horrible d'être tous installés à la, dans l'hospice à regarder la télé, quoi. Dallas, tous les jours. Ok. Mais ce sera peut-être l'occasion pour moi de voir les demoiselles de Rochefort. Oui, parce que Sido n'a toujours pas vu les demoiselles de Rochefort. Alors oui, précisons que c'est une donc les demoiselles de Rochefort, c'est un film musical français écrit et réalisé par Jacques Demy, sorti en 1967. Voilà, si jamais. Oui, et je pense qu'on devrait mettre plus d'accès à la culture et d'arrêter d'infantiliser les vieux et de leur rendre leur dignité en tant que personne, parce qu'ils ont vécu, ils sont occupés de nous. Et après, c'est genre, allez, vieux légumes, va pourrir, quoi. Ouais, ouais, c'est clair qu'on est dans ce monde-là. Mais moi, en fait, personnellement, Jeanne, j'ai pas spécialement envie de vivre longtemps. Moi, je préfère qualité plutôt qu'à la quantité. Oui, ça, mais c'est tu une chose. Pas, quoi. Ah ben, moi, c'est clair, je ne veux pas vivre jusqu'à 100 ans. Quoi. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps, quoi? Oui, mais si ton corps va bien et si tout ça. Oui, et quoi? Si je suis vide à l'intérieur et que. Enfin, voilà. Mais tu seras pas vide, c'est juste que tu seras plus lente. Tu seras juste. À voir. Genre, tu te mettras genre 8 heures à te laver et ça sera un peu ta journée, ouais, quoi. Ouais, ben, je suis pas sûre que j'ai envie d'une vie pareille, voilà. Ouais, okay. J'ai l'impression qu'on a envie, jamais envie de mourir. Non, non, non, moi, je suis prête à mourir. Pas vivre à tout prix, vivre à tout prix, quoi. Non, non, voilà. Et juste un truc, j'ai aussi appris un truc marrant, et ça s'appelle en fait, tout le truc des vieux, ça s'appelle le marché de l'or gris. Ça me fait beaucoup marrer, à cause des cheveux. Attends, recommence. Qui oui, en fait, le fait d'ouvrir un hospice et de faire payer les vieux, parce qu'en fait, les maisons de retraite, les maisons de repos, ça coûte super cher, quoi. Ça coûte genre 1 500 € par mois, alors qu'ils ont une pension de 1 000 €. Personne ne peut payer ça. Et en fait, tout ce marché-là, ça s'appelle le marché de l'or gris. Ah ouais, ok. Donc en fait, c'est des petites pépites. Ouais, des petites pépites finalement. Et aussi, le fait est qu'eux, ils sont super coupables parce qu'ils servent à rien et que personne ne veut s'occuper d'eux. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent de l'argent. Viens, je donne de l'argent, viens, je donne de l'argent. C'est juste tellement triste. Mais merci Jeanne. Merci pour cette bonne nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle qui est en fait une bonne nouvelle parce qu'on a le temps de le voir venir et que ça serait con qu'on ne prenne pas les choses en main dès maintenant. Pour changer les choses. Quoi, pour c'est changer ça, les choses. Soyons égoïstes et pensons un peu à nous. Merci, Jeanne. Donc moi, j'ai comme mission la mauvaise nouvelle. Et donc... La mauvaise nouvelle de ce mois-ci, accrochez-vous, c'est que j'ai un Android. J'ai pas des hémorroïdes. J'ai un Android. Ça y est, j'en ai un. Donc, autrement dit, j'ai un smartphone, quoi. Ah, ah. T'avais pas compris? Vous avez pas compris? Non, moi j'avais compris que Android, mais... Ben oui, mais quand j'allume mon smartphone, c'est... bienvenue dans le pouvoir de Android, quoi. Non. Moi, j'avais compris que t'avais un robot. Un Android, en gros, hein. C'est un petit robot de poche qu'on a tous. C'est bah ça, oui. Mais c'est vrai. Donc... Un Android, quand même, ça ressemble à un humain. Censé, dans le mot Android. Ah oui? Oui, parce que c'est genre Andros ou. Mais il parle comme à mon pote. Il parle à mon appareil. Oui, mais il faut qu'il ait. J'ai l'impression que dans un Android dans ma tête, ça devait avoir des bras et des jambes. Bah bientôt ça, mais bon, ça, c'est le début de l'Android. D'accord? Donc la mauvaise nouvelle de ce mois-ci, c'est que j'ai un smartphone, quoi. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? C'est parce que j'ai accès à tout instant à Internet, à ma boîte mail. Ben voilà, c'est... Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de cette mauvaise nouvelle? Alors, j'avais envie d'aussi rajouter quoi, que Facebook et compagnie, enfin voilà, on rentre vraiment dans la sphère du net et que les drones solaires qui doivent connecter le monde à Internet ont réussi leur premier test aussi. Voilà. Mais en fait, t'es rentré dans l'univers du 21e siècle et tu t'es laissé avoir. Mais c'est une mauvaise nouvelle parce que, en fait, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, l'outil. Après, tout dépend de ce que tu en fais. Mais bon, là, je suis occupée à y trouver une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un smartphone comme tout le monde. Je suis désolée. C'est ça. Mais en fait, finalement, tu as concentré plusieurs trucs en un. Donc, c'est un peu écolo. Un téléphone. Je suis madame bonne nouvelle, donc j'essaie de trouver le côté positif des choses. Mais un téléphone, un ordinateur, en un objet. Oui, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle, oui, quoi, parce que je suis comme tout le monde avec mon smartphone. Alors j'espère quand même que dans la mauvaise nouvelle, je ne serai vraiment pas la fille qui est avec les gens et son smartphone tout le temps devant, quoi. Tu vois, j'espère que je ne serai pas ce genre-là. Je vous raconterai des prochaines fois, mais dans le genre mauvaise nouvelle, j'espère que ce ne sera vraiment pas tragique, quoi. Voilà. Mais ça, tu le choisis, hein. Tu te fais non, je ne sors pas mon smartphone, non. Oui, mais jusqu'à quel point tu peux dire non une fois que tu es dedans, quoi, tu vois ? Tu peux le faire. Parce que je vais devoir essayer. Enfin, je faut pas que je tombe dedans, quoi. Oui. Non. Voilà. Toi, si d'autres t'en as même pas, tu sais pas ce que c'est. Hein. Ouais, je suis encore. T'es encore résiste. Toute pure. T'as pas d'appareil, quoi. Ça me titille. Hein. Mais je comprends parce que moi, la première fois que j'ai eu un smartphone, j'ai un peu dormi avec. Quoi. Tu l'appelais comment ? Ton Android. Mon trésor, mon précieux. Bon ben voilà. Grazilla, il y a un truc que j'ai pas bien compris. C'est quoi le rapport entre drone solaire, Android, Facebook, mauvaise nouvelle ? Oui, c'est parce que dans l'idée de la mauvaise nouvelle, j'avais envie de faire passer cette idée. C'est que Facebook commence à... Enfin, on sait déjà que c'est le numéro 1 des réseaux sociaux, quoi. Hein. C'est vraiment, je sais pas, vous imaginez, ils se prennent une place de dingue. Et là-dedans, eh bien, ils sont occupés à essayer de nouveau avoir des nouvelles parts de marché, mais pour toucher aux autoroutes de l'information, en fait. Facebook. Qu'est-ce que c'est ? Mais je sais pas bien encore l'expliquer, mais ça voudrait dire comme, Facebook a envie de toucher via, j'invente, moi, t'es sur Facebook, il y aurait un petit. Tu dois cliquer, tink, et du coup. T'es sur Facebook et tu peux avoir accès à plein d'informations. Que pour le moment, Facebook, c'est un réseau social. Oui, mais en même temps, ils gèrent vachement les informations qu'ils laissent passer. C'est-à-dire que si tu prends tes informations de Facebook, à la fin, on va tous avoir les mêmes informations. Mais voilà, et je trouvais que ça, c'était encore une plus mauvaise nouvelle que mon smartphone. Et Sido, on termine sur une bonne nouvelle. Ouais. Et ça tombe bien parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous deux. Un peu en réponse au sujet que vous avez abordé aujourd'hui. Alors je ne vais pas commencer à en parler directement. En fait, je me suis lancée sur ce sujet-là. Parce que je me suis réveillée un matin, j'ai mis mon jean et crac. Ça a craqué, gros trou dans le pantalon. ça c'est pas vraiment une chouette nouvelle. Mais je me suis dit, heureusement, Mamie Odile m'a laissé... sa machine à coudre, elle m'a appris à en servir. Donc qui ça, tu dis ? Mamie Odile. C'est Mamie Odile, c'est qui ? C'est ma grand-mère. Odile. Ok, d'accord. Je croyais que c'était une nouvelle application. On reste dans le droïde. Une petite mamie. Et donc là, je me dis, je vais l'utiliser, parfait, réparer mon jean, elle m'a transmis mon savoir, son savoir, tout ça. Et là, je branche la machine, pouf, c'est cassé. Bah zut, vraiment déçu. Alors, je tape sur Internet, réparateur de machine à coudre, et là, je tombe sur les... Genre, j'ai vraiment un mauvais anglais, mais c'est Repair Café. Un café où on peut... R-E-P-A-I-R. Voilà, ouais, R-E-P-A-I-R. Ouais. Et alors là, je suis tombée là-dessus, et la bonne nouvelle, c'est que ça fait 5 ans que ça a commencé, ces cafés-là, et ça se développe beaucoup, beaucoup en Europe. Et justement, le mois prochain, ça va être le premier... premier rassemblement au Marol, donc à côté de chez moi. D'accord, à Bruxelles. Donc je vais pouvoir y aller à Bruxelles. Ouais. Et donc c'est vraiment chouette, c'est un endroit où tout le monde peut venir pour réparer. Il y a plein d'ateliers plutôt électroniques, couture, réparation de vélos. Donc quand tu auras peut-être des problèmes avec ton iPhone, il y aura peut-être des gens qui vont venir t'aider. Et puis voilà, c'est vraiment aussi l'idée de faire un lien social entre les gens. Que les vieux qui sont mis de côté puissent venir transmettre leur savoir. Jeanne, c'est cool. Et donc on peut commencer à anticiper ça justement en essayant de vraiment maintenir ces repair cafés. Ça a commencé en 2009 en Hollande et maintenant il y a, je vais pas vous dire de bêtises, je regarde mes notes, il y a 17 pays qui ont mis en place ces repair cafés. Et au cours des journées de développement, ces journées mondiales du développement durable, ils ont fait un petit calcul comme ça pour voir en fait ce que représentaient ces, tous ces déchets, au lieu de les jeter, si on les répare, bah, en fait, ça fait énormément, énormément de kilos qui, chaque année, ne partent pas à la déchetterie et qui sont réparés. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est une chouette solution et qu'il y en a plein. On peut être ambassadeur d'un Repair Café si on a envie de le lancer dans son coin. Oui. J'ai une question, et c'est qui vient réparer? Il y a des spécialistes qui sont là? Eh bien, on peut être... Bah, si tu sais faire de la couture ou si tu as une machine à coudre et... Bah, tu viens, tu t'inscris, tu contactes le responsable du Repair Café et puis tu lui dis voilà, moi je peux venir avec ma machine à coudre et apprendre aux gens à coudre, à réparer. T'as un savoir-faire, quoi, en fait, c'est ça. Et si tu n'en as pas, tu peux venir apprendre avec d'autres personnes. Après, tout le monde sait faire quelque chose, a priori. Et est-ce que tu peux réparer aussi dans des voitures? Ah, ça, je sais. Là, je pense que dans Non, mais dans Repair Café, non. Non, mais Renault 19 blanche qui est là, qui a un petit problème. Non, mais au Repair Café, non, mais j'ai entendu qu'il y avait. Donc, c'était une initiative en France, justement, avec des retraités, des choses comme ça, qui s'y connaissaient en mécanique, et qui ont lancé leur garage solidaire, en fait. Donc, les gens donnent ce qu'ils veulent, et eux, ils réparent les voitures, et c'est un échange de savoir. Donc, voilà. Une bonne nouvelle en trois, quoi. Oui. Le Repair Café, le garage solidaire et les vieux qui se transmettent leur savoir. Ouais. Et mon smartphone qui est réparé. Et ton et smartphone. Et puis en plus, voilà, si tu ne veux pas utiliser ton smartphone, tu sais, si tu as trop peur, si tu es tenté, tu dis qu'une fois par mois tu vas là et toute la journée tu ne pourras pas l'utiliser. Voilà. Mais donc je suppose que c'est gratuit, oui. C'est free, c'est vraiment un échange avec les gens. Quoi. C'est vraiment un échange avec les gens et qui peut ramener ses outils, ramène ses outils et... Et voilà, j'ai pas encore été, donc je sais pas ce que ça va. Tu nous raconteras. Voilà, je vous raconterai. J'avais envie de rencontrer Sidonie parce que elle m'a un peu expliqué son métier, surtout, mais elle était partie il y a pas tellement longtemps en Thaïlande visiter les arbres là-bas, les arbres thaïlandais, quoi. Voilà. Petite présentation de toi, Sido. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Donc bonjour, je m'appelle Sidonie, je suis doctorante à l'université de Jean Blou et je fais un doctorat sur l'agroforesterie. Donc l'idée c'est réimplanter des arbres dans des parcelles agricoles. Et c'est un peu sur cette thématique-là que je suis partie en Thaïlande. Du coup ça change des plaines wallonnes, mais là c'était pour travailler donc, à l'université de Phitsanulok, qui est une université située à peu près à 10 heures au nord de Bangkok en voiture. Et donc, il y a c'est un grand campus où il y a à peu près 7 universités, dont une université d'agronomie. Et donc là, c'était pour travailler sur l'agroforesterie, sur l'EVA, donc l'arbre qui produit du caoutchouc. C'est marrant, ça, l'EVA, ça fait penser aux marques de chaussures Teva, quoi. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. EVA, tu vois pas? Non, c'est une marque super... Une grosse marque, quoi. Enfin, soit. Mais continuons. En fait, l'agroforesterie, ça a beaucoup été... c'est très connu sous les tropiques, parce que dans les forêts tropicales, il y a toujours eu un mélange d'espèces, et finalement, c'est des forêts nourricières où l'agriculture se fait dans la forêt. Et là, ici, l'agroforesterie en Wallonie, ou l'agroforesterie plus moderne en Europe, c'est vraiment des lignées d'arbres, c'est beaucoup plus régulier comme design. Et donc, là, en Thaïlande, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, le gouvernement a vraiment a investi dans le caoutchouc, enfin, dans l'EVA. Et donc, il y a plein de petits paysans qui ont mis en place des parcelles d'EVA. Sauf que, du coup, il y a un peu une utilisation des terres qui est différente de celle qu'elle était avant, où il y avait de l'agriculture. Et donc, ils ont concilié les deux, les arbres et des cultures. C'était beaucoup mis en place dans le sud de la Thaïlande, mais dans le nord, en fait, il y a des périodes de sécheresse beaucoup plus importantes. Ce qui fait que là, on est parti justement pour s'intéresser sur ce projet-là. On s'intéressait, on a fait un bilan hydrique un peu de la parcelle, donc savoir qui a besoin d'eau quand et où est-ce qu'elle va le puiser. Donc, en gros, j'ai accompagné un mémorand de Jean Blou. Et donc. C'est quoi un mémorand? Oui. Qu'est-ce un mémorand? C'est un mémorand. Un étudiant en deuxième année de master, donc à la fin de l'année, donc il aura fini l'université. Et donc ils ont un stage, je crois que c'est 4-5 mois de recherche. Et donc, lui, il s'intéresse justement donc, au fonctionnement hydrique du système. Donc, je suis partie avec lui pour installer des petits capteurs dans les arbres pour mesurer, en fait, le flux d'eau qu'il y a dans l'arbre. Donc, c'est des espèces de petites aiguilles qu'on plante dans l'arbre. Et du coup, en fonction de la demande en eau, donc s'il fait très sec au cours de la journée, la demande en eau va être plus importante. Et alors, on va voir que le flux de sève est plus important. Donc, ça nous permet de voir un peu ça. Puis, il y avait aussi des capteurs dans le sol, à différentes distances des arbres, à différentes profondeurs, qui mesurent l'humidité du sol. Et donc, justement, en regardant la variation de cette humidité dans le sol au cours de la journée, on peut voir à quel moment ça absorbe plus, à quel moment... Voilà. Et donc, on essaie de relier tout ça. Mais reprenons dès le début, parce que tu es en agronomie à Jean Blou, en Belgique. Oui. Quand tu dis que tu fais un doctorat, ça veut dire quoi aussi faire un doctorat? Oui. Un doctorat, c'est après, une fois qu'on a été mémorant, je vous explique avant, et si on a envie de continuer dans la recherche, il faut qu'on fasse un doctorat, donc c'est... C'est un diplôme de 4 ans dans la recherche, où en fait on se focalise pendant 4 ans sur un sujet de recherche, on a des encadrants, et puis voilà, pendant 4 ans, on apprend petit à petit à être chercheur. Voilà. Et toi, attends, parce qu'il faut que je comprenne bien, donc toi tu es doctorante, on dit doctorante? Ouais. Ouais, je suis future doctorante, je suis future docteur, on dit, quand on a fini le doctorat, on est docteur. Donc je suis étudiante, doctorante. Mais en étant payée, quoi. Ouais, oui. Ça, c'est encore différent, donc t'es pas complètement étudiante non plus. Non. En fait, il y a des bourses. On peut faire son doctorat sans financement. Souvent, en lettres, il n'y a pas beaucoup de financement. En histoire, il n'y a pas beaucoup de financement. En sciences, on a la chance d'avoir des financements. Et ça dépend des pays, mais il y a des pays où ils interdisent de faire des doctorats aux étudiants, d'être doctorant sans financement, parce que sinon, après, il y a un peu... De l'abus. De l'abus, on peut le dire. Et donc, oui, on a une bourse de doctorat pour 4 ans. Il y a différents moyens de l'avoir. Ce n'est pas toujours évident. C'est de plus en plus difficile d'avoir des bourses pour faire un doctorat. Mais voilà, nous, on a eu la chance à Jean Blou. Il y a eu une vague de recrutement. Là, ils ont recruté 20 doctorants pour un projet... sur l'agriculture avec différentes facettes. Donc voilà, d'accord. Je fais partie de ces 20. D'accord. Voilà. Et t'es là pour 4 ans. Ouais. T'es la... Je suis à la fin de ma deuxième année. Ça passe vite. Et alors, réexplique un peu comment ça se passe. Pourquoi on t'envoie comme ça? Est-ce que c'est toi qui décides d'abord d'y aller en Thaïlande? Ou c'est imposé, par exemple? Ouais. Là, en fait, c'est parce que une de mes directrices de thèse, donc j'ai deux directrices de thèse, elle travaille vraiment sur l'eau dans le sol. Et elle a fait son post-doctorat. Donc après son doctorat, on peut faire un post-doctorat avant d'être chercheur. Donc elle a fait son post-doctorat sur des systèmes en Thaïlande. Donc des systèmes agroforestiers. Elle ne s'intéresse pas forcément à l'agroforesterie en tant que telle. Elle travaille sur tout type de système, agricole ou forestier. Mais là, il se trouve qu'elle travaillait là-dessus, sur l'agroforesterie en Thaïlande. Et elle essaie vraiment de maintenir ses liens avec les chercheurs avec qui elle a travaillé en Thaïlande, parce que ça l'intéresse. Et donc, elle essaie de tous les ans envoyer des mémorants, des étudiants qui vont là-bas, du coup, faire des expérimentations et travailler avec l'équipe là-bas sur des terrains très différents de ce qu'on a ici. Et donc, voilà. Et donc, elle pouvait pas partir en Thaïlande pour les encadrer. Parce que souvent, elle part les deux premières semaines pour un peu mettre au point les objectifs avec les chercheurs là-bas, voir... Parce qu'à distance, c'est difficile, en fait, de communiquer avec le décalage horaire, le machin, quand on se rend pas trop compte de où ça en est sur le terrain. Donc... Elle essaie toujours d'y aller. Et puis là, elle ne pouvait pas. Donc, elle a toqué à ma porte un jour en disant « J'ai un petit service à te demander. Est-ce que tu pourrais partir en Thaïlande à ma place ?» Et du coup, je trouvais ça hyper chouette et intéressant. Parce qu'à la base aussi, dans ma formation, en master, moi, j'ai fait un stage dans les forêts tropicales. Et j'ai grandi sous les tropiques. Et du coup, ça m'intéressait justement de peut-être après bifurquer après ma thèse sur les agroforesteries en tempéré, de bifurquer vers le tropical. Et donc là, c'était un premier pas pour voir ce qui se passait là-bas. Mais explique-moi plus en profondeur le projet, parce que je comprends bien, y a moyen de cultiver dans la forêt. Tu appelles ça alors de l'agroforesterie. Oui, c'est ça. Et ce que je comprends, alors toi, c'est, enfin, vous, votre petite équipe, là, même si vous êtes deux, c'est pas ça que vous êtes allé voir. Parce que traditionnellement, l'agroforesterie, ben voilà, c'est faire de l'agriculture dans la forêt, qui est riche, hein, puisqu'elle a plein de richesses, la forêt. Vous, vous êtes allé voir, si j'ai bien compris, des arbres qui font du caoutchouc. Oui. Et vous êtes allé avec une petite aiguille prendre le thermomètre pour voir si il avait soif ou pas soif. Voilà. Oui. Mais à quoi, pourquoi, qu'est-ce que, enfin, là, j'ai pas tout compris. Bah après, parce que là, l'agroforesterie plus moderne, c'est on espace un peu les arbres qui permettent une mécanisation et qui permettent plus de, en tout cas sous les milieux tempérés, quoi. Les milieux tropicaux, sous les milieux tropicaux, tropicales, c'est plus... naturellement, il y a différentes espèces et il y a une diversité qui permet d'avoir autant du bois que des fruits, des choses comme ça. Mais là, quand même, en fait, ils ont mis en place des systèmes de vraiment plantation forestière, DVA. Donc, c'est des arbres qui sont espacés, je crois, de 7 mètres sur 7 mètres. Donc, c'est assez, assez proche, quand même. Et bah, pour... diversifier pour continuer leurs apports quotidiens, ils se sont dit, bah, on va mettre des cultures sous nos arbres. Même si c'est un système de plantation forestière assez carré, c'est pas une forêt où il y a vraiment une diversité, on peut prendre ce qu'on veut. Là, c'est quand même une plantation carrée. Et ils ont mis en dessous des espèces. Après, oui, effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est on essaie de comprendre comment fonctionnent ces systèmes-là. Pour essayer de mieux les gérer, parce que là, il y a des problèmes d'eau dans les systèmes dans le nord de la Thaïlande, qui sont pas, les EVA ne sont pas forcément adaptés au nord de la Thaïlande. Donc du coup, on essaie de voir... Ils sont plus adaptés au sud, alors. Oui, ils sont plus adaptés au sud. Et même là, c'est... Parce que ces arbres-là viennent de là. L'arbre EVA vient du sud. Bah, c'est un arbre qui vient... C'est des arbres qui ont été sélectionnés au Brésil. Donc au Brésil, il y avait beaucoup d'EVA. Ils ont vraiment... C'était des gros producteurs de caoutchouc. En Afrique, sûrement aussi, hein, puisque... Ah ouais, moi, je te le dis, j'ai lu un bouquin, ils produisent énormément de caoutchouc dans les années, je sais pas quantième. Oui, il y a déjà un bail, hein. Voilà, puis maintenant... Et continue maintenant, ceci dit. C'est... Mais t'as peut-être pas entendu parler, il y a des bras coupés, c'était du temps des colonies et tout ça, on faisait travailler les Africains comme des malades, et c'est comme ça aussi que la Belgique a pu... parce qu'elle était le premier pays à... Oui, à piller le caoutchouc des Africains. Et du coup, la Belgique a monté en niveau économique pour ça, quoi. T'as jamais entendu ? Non, ça, j'avais pas entendu. Bah, tu vois, voilà, on partage. Hein. Donc, c'est pour ça, au Brésil, c'est pas au Brésil. Ah oui, l'arbre EVA vient du Brésil, pour toi. Cette variété-là, parce que du coup, ils ont sélectionné des arbres. Mais quand tu dis « ils », c'est les Thaïlandais. Non, les Brésiliens. Voilà. Parce que les Brésiliens, du coup, ont fait de la sélection qui permet d'avoir des arbres qui produisent bien et qui poussent rapidement. C'est de la sélection naturelle. Ils ont simplement pris des graines d'arbres qui poussaient bien et hop, ils les ont reproduits. Et donc, c'est cette espèce-là qui est implantée en Indonésie aussi, pas mal, et en Thaïlande. Mais sauf que, du coup, voilà, c'est des arbres qui, quand même, ont besoin pas mal d'eau. Et comme le gouvernement a vraiment dit planter de l'EVA, planter de l'EVA, ils ont eu des subsides. Ouais. Donc les gens dans le nord se sont mis à planter de l'EVA, mais sauf qu'en en fait, ils se rendent compte que c'est pas aussi productif que dans le sud, parce qu'en fait, ils se retrouvent dans des conditions qui sont pas adaptées en fait, à sa croissance. Du coup, là, on essayait de comprendre comment... on sait peu de choses en fait, sur son besoin en eau, sur quand est-ce qu'il en a besoin. Donc finalement... Bah, on essaie de comprendre comment ça fonctionne pour essayer de aussi pas mettre une culture entre les arbres qui demande trop d'eau au même moment que l'arbre en a besoin. Donc voilà, c'est plus... Là, c'est vrai qu'on est parti dans une compréhension du système pour après l'optimiser, en fait. Ah, un instant, il y a quelqu'un qui tape. On ouvre ? Oui. Oui, bonjour. Parce qu'on est... au boulot de Sido, quoi. On est à la faculté, hein, de Jean Blou. Oui, c'est ça. Et dans la salle, dans la cafette, quoi. Vous entendez peut-être le frigo qui fait brrr. Je sais pas. Voilà. On dirait du morse. Voilà. Mais continuons notre conversation, si tu veux bien, Sido, avec ces arbres. Donc, si je comprends bien, vous allez ausculter les arbres en Thaïlande, ouais. Les VA, ouais. Pour faire en sorte qu'ils soient plus productifs, pour faire en sorte qu'il y ait plus de caoutchouc. Moi, je fais tout de suite des raccourcis en avant, allons-y, quoi. C'est ça, l'objectif ? Non. C'est pas ça l'objectif. Non, c'est l'objectif, c'est que le paysan qui a mis en place ses caoutchoucs, il va pas pouvoir, récolter du caoutchouc tout de suite. Il faut au moins attendre 8 ans dans le nord pour pouvoir commencer à tirer du caoutchouc. Et du coup, l'idée, c'est de l'aider à savoir quelle culture plutôt mettre entre ces arbres pour qu'ils puissent... Entre ces arbres qui font du caoutchouc pour se nourrir, pour avoir d'autres revenus intermédiaires qu'attendre 8 ans pour avoir du caoutchouc, quoi. Donc, c'est plutôt ça, l'idée. On ne fait pas du tout de la sélection de caoutchouc, mais par exemple, après, on voit souvent, il y a des études qui sont intéressées justement à ces besoins en eau dans des systèmes agroforestiers, et pour éviter les interactions... la compétition entre l'espèce que tu mets sous tes arbres et ton arbre pour une ressource qui est l'eau. Et donc, par exemple, ils font du cernage racinaire, c'est-à-dire que tu vas passer avec comme un couteau à 1,50 m des arbres sur 50 cm de profondeur pour détruire les racines fines de l'arbre sur la superficie du sol qui est colonisée par les racines de la culture. Donc comme ça, il y a vraiment une compartimentation dans l'espace des racines de l'arbre et de la culture, et ce qui fait que elles sont moins en compétition ou peu en compétition. Donc là, c'est vraiment avec ces trucs ces données de bilan hydrique, c'est aussi un peu ça qu'on va voir, à quelle profondeur l'arbre épuise son eau, quand est-ce qu'il la puise, et donc du coup ça va nous permettre aussi peut-être de développer des itinéraires techniques sur la parcelle qui seront bénéfiques pour la culture intercalaire, quoi. Là, lui, il plantait, donc il plante souvent du maïs. Le paysan. Le paysan, ouais, le paysan. Du maïs. On a vu certains systèmes avec des petits manguiers. Donc c'est marrant, parce que c'est un autre arbre dans un arbre, mais c'est quand même entre des arbres. Du manioc. Il y avait quoi d'autre? Des ananas dans le sud de la Thaïlande. Je n'ai pas vu tous les systèmes, mais après chacun fait ses produits du coin, quoi. Mais voilà. Après, c'est sûr que c'est très théorique pour des questions très pratiques qui sont celles d'un paysan thaïlandais qui... Mais t'es d'accord avec moi, le caoutchouc, ça se mange pas, le caoutchouc, tu vois. C'est ça qui est drôle. Oui, c'est quoi la logique J'ai entendu que tu parlais du gouvernement qui aide alors le paysan à planter des arbres qui font du caoutchouc. Bah oui, en fait, il y a eu des subsides au début. Et alors, la chercheuse nous disait qu'il y a eu un engouement un peu des paysans pour ça. Et finalement, qui est un peu redescendu parce qu'ils se sont rendus compte que... Au début, je crois que c'était... donc, je ne sais plus combien c'est le baht par rapport à... Donc le baht, c'est la monnaie thaïlandaise. Je ne sais plus le facteur de conversion avec l'euro, mais au début, je crois que c'était... j'ai peur de dire des bêtises. Oui, ouais, bon, ne le dis pas. Ne le dis pas. Bon, en tout cas, la valeur, le prix du caoutchouc a vraiment baissé, et ce qui fait que finalement, c'était plus tellement rentable. Et finalement, ils se sont dit, j'ai plus assez d'argent pour manger, donc il faut aller. Voilà, c'était une solution de diversifier les cultures. Mais voilà, ça arrive comme souvent en agriculture. Finalement, on produit quelque chose qui... pour avoir de l'argent et qu'on peut même plus nourrir nous. Donc, je sais pas, enfin, c'est un peu les grands enjeux actuels, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et qu'il y avait beaucoup de paysans, du coup, qui étaient vraiment déprimés. Elle disait, voilà, que... parce qu'ils vendent le plant, et puis ils mettent autour des arbres... Les paysans, ça. Oui, les paysans. Voilà, des fertilisants, des choses comme ça qu'il faut payer. Donc finalement, il y a quand même des coûts engendrés par la mise en place. Donc voilà, c'est un peu... ils ne s'y retrouvent plus vraiment, quoi. Donc voilà. Ouais, ils deviennent dépendants aussi. Ils ont perdu leur autonomie, quoi, oui, voilà, en jouant avec tout ça. Oui, c'est ça. Ils perdent leur autonomie. Donc voilà, un peu le contexte de cette étude. Donc, résumons. Sido, tu pars en Thaïlande pour faire la psychologue de l'arbre Eva. C'est ça ? Eva. Tu fais ça un peu l'idée, quoi. Si je peux résumer. La psychologue de l'arbre, je n'avais pas vu ça comme ça. Moi, je disais à mes amis que j'allais regarder la transpiration des arbres. C'est pas mal aussi. Ça sent une odeur, peut-être, ça donne des idées. On a transpiré aussi. Ouais, essayer de concilier un peu tout ça, retrouver de la diversité dans le système, que tout le monde s'y retrouve aussi dans l'utilisation des terres. Donc après, il y a plein de facettes, on pourrait étudier plein de facettes sur l'agroforesterie. Finalement, c'est un système et on peut regarder la croissance des arbres, des cultures, ce qui se passe sous le sol, ce qui se passe dans le sol. Donc voilà, c'était une petite facette de cette étude-là, quoi. Et puis voilà, après, pour l'instant, le mémorand est resté en Thaïlande. Moi, je l'ai juste accompagné 2 semaines. Et donc lui, il est toujours là-bas et il prend des mesures. Sur la parcelle, donc, il y avait aussi une station météo qui regarde s'il y a de la pluie, le soleil, le vent. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore les données. Donc je ne sais pas trop. Il revient fin avril. Donc on verra un peu ce qu'on obtient, ce qui se passe finalement au cours de la journée, comment il transpire, comment il... Voilà. Ah oui, parce que là, vous avez travaillé, vous avez quotidiennement, vous êtes allé... mettre les thermomètres sur l'arbre, mais vous n'avez encore aucune conclusion de rien du tout, quoi. Non. Vous savez, et ce serait quoi une hypothèse de pour donner comme ça, on comprend concrètement c'est quoi l'idée aussi, parce que moi je t'avoue je comprends, ouais. J'entends, mais vous êtes vraiment allé faire l'étude de l'arbre EVA, quoi. C'est ça que vous êtes allé faire, ouais. Et le regarder évoluer en agroforest. En système agroforestier, oui, c'est ça. Et encore, là, sur la parcelle qu'on étudiait, il n'y avait pas de culture intercalaire pour le moment. C'est vraiment pour étudier l'arbre sans culture intercalaire et voir comment il puise l'eau. Qu'est-ce que je pourrais... C'est un peu toujours le problème, je me rends compte, en fait, dans la recherche, c'est assez difficile d'expliquer. Simplement, ça nous paraît très clair, et puis après, finalement... Non, mais c'est intéressant. Moi, ce que ça me raconte juste, c'est marrant, c'est que c'est l'arbre qui fait du caoutchouc, quoi. Et que le caoutchouc, ben, dans notre civilisation, dans nos mondes modernes, ben, c'est on en a besoin, quoi. C'est vachement important, quand tu regardes juste les voitures et les machins, là. Et c'est rigolo. C'est un arbre qui produit du caoutchouc et pas un autre arbre, quoi, tu vois. Donc tout de suite je fais des raccourcis, je me dis bah tiens, c'est comme s'il y avait les moyens pour aller voir l'arbre qui produit des choses qu'on va pouvoir récupérer économiquement, on va dire ça, ouais. Comme ça, moi je le vois comme ça, ouais, toi pas du tout. Pas du tout. Et en fait, et c'est vrai que j'avais pas perçu ça comme ça, mais quand on voit comment le caoutchouc est récolté, c'est très traditionnel, quoi. C'est vraiment des entailles sur l'arbre récoltées avec un petit gobelet et voilà. Donc finalement on se rend compte, pour une ressource aussi importante, c'est encore, et c'était chez un paysan voilà, qui a pas non plus des terres énormes. C'est, enfin, il y a des grandes exploitations de caoutchouc, mais c'est vrai que là, à l'échelle, on s'en rend pas forcément compte quand on est à cette échelle là avec dans un milieu très local où ces préoccupations sont pas du tout des préoccupations au niveau mondial, quoi. Lui, il est sur son quotidien et du coup, on perd le fil de le caoutchouc qui est produit jusqu'à... Enfin, je sais pas. C'est vrai que je voyais pas du tout cette dimension-là comme ça. Enfin, moi, tout de suite. Ah, ouais. Mais par exemple, avec son caoutchouc, le petit paysan, ok, il récolte traditionnellement. Et puis, qu'est-ce qu'il en fait, son caoutchouc, en fait ? Il le revend. Voilà, oui, donc oui, c'est quand même... avec ça, il peut récolter de l'argent en vrai, oui. Quoi. Tandis que s'il plante un ananas, un bananier, j'invente, ou un manguier, ben... Oui, après, je sais pas si... Enfin, si... Bah, il récoltera aussi, il vendra ses mangues et il y a peut-être des coopératives qui vont les racheter pour les vendre à l'étranger. Et je pense que... Mais le fait qu'on soit allé là-bas pour étudier cet arbre-là, c'est pas... En tout cas, c'est pas parce que c'est cet arbre-là qui a un intérêt économique qu'on a été là-bas. Parce que ça aurait pu être un système agroforestier avec des manguiers, par exemple, ou avec toute autre chose. Ici, on étudie pas mal des noyers... parce que c'est un arbre qui pousserait bien ici. Mais c'est juste que on étudie cet arbre-là parce que c'est une contrainte. Finalement, on essaie de répondre à des demandes des paysans qui se retrouvent avec cette contrainte, avec cet arbre-là. Mais ils auraient planté du manguier, on aurait étudié le manguier, je pense. Mais ouais, ouais. Ah ouais, le caoutchouc, ça se mange pas, c'est clair. Non. Mais tiens, Sido, donc t'es parti 15 jours. T'es parti 15 jours en tout et pour tout? Non, je suis partie un mois. Du coup, j'en ai profité pour faire des petites semaines de vacances. Voilà, j'aurais aimé voir, tiens, par le biais de ton regard, évidemment, moi, comment est-ce que tu vois la Thaïlande, les Thaïlandais, etc. C'est la première fois que tu y allais? Oui, c'est la première fois que j'y allais. En fait, il y a eu un peu deux Thaïlandes pour moi. La Thaïlande... pendant les deux premières semaines où du coup j'étais sur le campus de cette université où je dormais là dans un bâtiment où c'était le dortoir des filles où tous les jours on allait manger au petit réfectoire où c'est sous un grand hangar avec toutes les petites gargotes où on mange tous là, personne ne parle anglais, vraiment immersion totale. À dormir aussi quand on allait sur le terrain, on dormait dans la salle un peu communale en face de chez le paysan. Donc c'était très différent. Et la Thaïlande d'après, en fait, où je me rendais pas compte à quel point c'était touristique. Et donc là, je suis allée dans le nord, à Chiang Mai, qui est une très jolie ville, mais c'est vrai que j'ai beaucoup vu de bras selfie et des GoPros. C'était mon premier... Mon premier aperçu, c'était ça, vraiment, à la gare des bus, des gens qui se prenaient en photo partout. En fait, ça m'a un peu... ça m'a fait vraiment une impression bizarre. Il y avait beaucoup de touristes, c'était aussi pendant les vacances de février, donc Nouvel An chinois. Donc beaucoup de tourisme de Chine. Et après, c'était vraiment deux Thaïlande. Et je me suis rendu compte que c'est pas du tout péjoratif, mais c'est quand même un tourisme de masse. Parce que c'est un pays qui est quand même facile pour voyager. Je trouve, par rapport à d'autres pays où j'ai été, les gens sont, il n'y a pas d'agressivité, les gens sont très gentils. Voyager toute seule en tant que fille, c'est très agréable, on ne se fait pas embêter. On se sent vite bien, en fait. On ne sent pas d'insécurité. Enfin, je sais pas, c'est un peu l'idée qu'on pourrait avoir dans certains pays ou des ressentis que j'ai déjà eus. Mais là, non, c'est vraiment... C'est très serein... Du coup, autant des familles peuvent y aller, des gens qui voyagent tout seuls, voilà, je trouve que c'est accessible. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tourisme. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris le... Non, que ce serait... Moi, j'allais justement te poser la question, tiens, comment ça se fait que c'est si calme, tu te sens bien, il n'y a pas de problème Ouais, je pense que c'est dans la culture des gens, entre eux. Enfin, je vois même à l'université, les gens, c'est bête, mais ils ne parlent pas fort, ils ne crient pas, enfin... Pas ce que j'ai vu, et moi, donc j'étais avec le mémorant, il était de l'autre côté de la rue dans le campus, et j'ai crié son nom, et vraiment, les gens m'ont regardé un peu, qu'est-ce qu'elle fait cette folle. Enfin voilà, c'est juste, je pense que c'est des gens sereins quand même, très... Sereins ou retenus, tu vois, enfin, ça peut être les deux en même temps, hein, mais est-ce qu'ils n'ont pas été éduqués à pas montrer, à pas dire, à pas feutrer, quoi. Ça, je sais pas trop. Je suis pas allée, ouais, hein, donc pas allée. On s'est pas partagé. Ouais. Ouais. Après, les... En tout cas, très accueillants, des fois un peu trop, parce qu'on est gêné de toute l'attention qu'ils nous portent et tout ça. Je pense que ça, c'est vraiment dans leur culture de faire... très attention. Oui, t'es une touriste, quoi, quand même. Hein. Oui, voilà. Mais même, je pense, entre eux. Et puis, c'est même, voilà, quand on arrive à l'université, on va rencontrer le recteur. Il y a un côté très, aussi très hiérarchique, comme ça. Solennel. Voilà, après, c'est vrai que dans les autres endroits où, du coup, il y a eu beaucoup de touristes, on sent que le rapport aussi avec les Thaïlandais est différent, enfin, parce qu'on est aussi un tourisme parmi d'autres. Il y a beaucoup de gens qui passent. Je pense qu'il y a des gens se comportent comme ils se comportent aussi, des fois. Et donc, ça, je trouve que des fois, les Thaïlandais étaient moins agréables que dans les endroits où il y avait moins de touristes. Mais je pense que ça se ressent partout. Et puis... revenu un peu, comment on dit, dégoûté, ou comment est-ce que tu vois, enfin, il y a la partie travail, ouais, et puis la partie un peu détente. Est-ce que tu es revenu un peu détendu, un peu, tu sais, comme on va voyager, revenir avec plein de choses intéressantes, quoi, ou bien tu as l'impression d'être parti de chez toi et au fond, tu étais au centre-ville, en plein centre-ville, tu n'as même pas vu la différence, quoi. J'exagère, évidemment. Non, quand même pas. Après, c'est vrai que on est allé dans le sud de la Thaïlande, sur une petite île. Et là, j'avoue, c'était génial. Enfin, j'ai grandi au soleil. Et du coup, rien que de me retrouver là sur la plage, la mer, les cocotiers, ça m'a fait du bien. Mais j'avais l'impression que je pouvais être n'importe où. Enfin, que j'étais pas spécialement en Thaïlande. Pourtant, on était sur une petite île, sur une petite crique où, du coup, il y avait deux restaurants et donc on sortait pas beaucoup de là et on allait manger. Donc, ce qu'on mangeait, c'était thaïlandais. Mais je veux dire, les autres personnes qui nous entouraient, à part les gens qui tenaient les hôtels et les restos, c'était pas des thaïlandais. Du coup, là, j'avoue, t'es déconnecté de la culture, je trouve. Et donc j'ai apprécié ce moment-là parce que c'était 4 jours, ça m'a fait du bien, je me suis bien reposée, je me suis baignée, et c'était chouette. Mais franchement, je pense que j'aurais pas fait tous ces kilomètres juste pour ça, je crois, en fait. Et ce qui m'a plu, du coup, en Thaïlande, c'était de rester. J'aime bien rester au même endroit pour voir un peu les gens. Et on n'avait pas du tout trop envie de faire trop de voyages, donc on est allé à Chiang Mai. On a fait un petit parc, une balade dans un parc national à côté de Phit Sain Mulok, qui était chouette, c'est très beau, belle forêt, même si c'était pas très balisé, on s'est un peu perdu, mais c'était quand même chouette. Et après, ouais, dans le nord, on voulait pas trop bouger pour essayer justement un peu s'acclimater, quoi, et rester là, pouvoir passer plusieurs fois devant les mêmes personnes, pouvoir, voilà, moi j'aime bien ça, juste pas rester une ville visitée comme ça. Et bah, ça l'a quand même moins fait dans les villes où il y avait beaucoup de touristes. Et après, il y avait beaucoup de temples, alors c'était chouette, on a vu plein de temples, mais en fait, je regrette de ne pas avoir eu de guide ou quelqu'un qui puisse m'expliquer, parce que finalement, il n'y en a pas forcément dans les guides du routard, les choses comme ça. Ils disent, allez voir ce temple, il a été fait par telle personne et il est très beau pour ça, mais il y a tellement de fresques, tellement de choses, qu'on aura envie d'avoir quelqu'un qui nous explique ce que c'est, parce que finalement, c'est un peu... Bon, on va en visiter, puis on a vu 1, 2, 3, puis on ne sait même plus, on se dit pourquoi finalement on va voir ça. C'est pas... Mais voilà, donc ça, je regrette un peu pour ça, parce que j'aurais bien eu envie de m'intéresser plus, au moins qu'on m'explique un peu pourquoi... Quitte à en faire un bien. Et voilà... Il y a l'histoire de la Thaïlande, quoi. Du coup, quand t'es dans un autre pays comme ça, t'as envie d'un peu comprendre, tiens, comment les gens pensent, comment ils ressentent, comment le vivre ensemble. Est-ce que t'as eu des petites notions ou pas du tout? Ben, j'ai plus eu des notions justement à l'université, parce que après, en dehors, j'ai pas trop ressenti ça, quoi. Il n'a pas rencontré des gens avec qui tu as discuté de la Thaïlande, quoi. Avec non. Des Thaïlandais qui parlent bien anglais ou... Ouais. Et après, à Phit Sain Mulok, il y avait donc la chercheuse avec qui on travaillait qui parlait bien anglais et un de ses étudiants qui parlait anglais. Les autres ne parlaient pas anglais, donc la communication était c'était plutôt des gestes et... on a plus vu la vie étudiante. Après, c'est vrai qu'ils se livraient pas forcément trop sur leur vie personnelle ni rien. Mais Ouais, c'est fin de journée pour Sido. Hein, elle a travaillé toute la journée. Mais par exemple, toi, tu es doctorante en agronomie. Pourquoi ce métier, en fait? Qu'est-ce qui... On change totalement de la Thaïlande. Ah, mais non, ça c'est la même chose. Enfin, d'abord, on parle des arts, puis on parle de la Thaïlande, puis je vois que c'est un peu fini, la Thaïlande. Quoi, t'aurais envie de dire quoi encore sur la Thaïlande? Non, je sais pas. On peut y revenir, de toute façon. Hein. Non. Pourquoi... Je passe à l'autre question. Pourquoi doctorante? Pourquoi la recherche? En agronomie. En agronomie. Bah, l'agronomie, c'est venu un peu avec le doctorat, parce que je n'ai pas du tout fait des études en agronomie. Donc, je ne savais pas du tout comment pousser un blé. Je ne m'étais pas trop... Les questions d'alimentation, en tout cas, et les problématiques actuelles m'intéressaient. Mais j'ai fait une licence en biologie fonctionnelle des plantes, donc vraiment étudier les hormones dans les plantes, la transpiration, comment ça marche, la respiration, vraiment. Et puis, donc, finalement, ce qu'on voyait des plantes, c'est que à chaque travaux pratiques, on avait une plante, on la découpait, on la broyait, on regardait au microscope. Et j'étais, j'aimerais bien étudier une plante entière, quoi, ou dans un système, savoir comment elle pousse en vrai. Donc après, j'ai fait un master plutôt en écologie, avec des côtés plus forestiers. Donc j'ai fait avec une année au Québec où j'ai plutôt étudié les forêts boréales. Et après, j'ai fait une année en Guyane, donc c'était plutôt forêt tropicale. Une année, c'est énorme, ça. Une année au Québec, ouais, bah, c'était un échange. Et quand je dis une année en Guyane, c'était 6 mois. Simplement. Oh, Dissido, 6 mois, c'est pas un an. Hein. Non. C'est déjà pas mal, quoi. Ouais, mais une année concentrée, en tout cas, sur les forêts tropicales, quoi. Avec cette idée de... J'avais envie d'étudier ce système-là. Et après... finalement, l'agronomie, chercher un doctorat, c'était pas évident de trouver des bourses. Et puis, je suis tombée sur ce sujet-là et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Ça relie un peu les deux, les arbres, et puis le côté alimentation qui m'intéressait. Et puis voilà, donc je me suis lancée là-dedans, mais je suis vraiment partie de rien. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à la ferme ici, on a une ferme expérimentale à Jeanbleau, j'ai appris plein de trucs avec les techniciens, parce que voilà, je leur ai dit, moi je connais pas, je sais pas comment pousser un blé, comment ça se passe, ok, la betterave, très bien. Donc voilà, mais et je suis pas mécontente d'avoir fait ce choix. Et quoi, bon, je simplifie l'idée, hein, c'est pour taquiner en même temps, mais quoi, les arbres, les plantes, les humains, tu te sens plus à l'aise avec les arbres et les plantes et la nature plutôt que les humains, quoi. Oui, en général. C'est un peu... je me suis lancée dans la biologie végétale pour ça. Je n'avais pas trop envie de faire biologie animale, même avec les animaux ou les humains, tout ça. Quand ils sont ennuyants un peu, ceux-là, quoi. Ouais. Tu les connais ou bien t'es blasé ou... Mais ils me font un peu peur, des fois. Ouais, tu vois, je me sens plus je me sens plus zen avec des plantes. Je sais pas, mais du coup, ouais. Et en plus, à notre époque, 2015, là, avec tout ce qui se passe avec la nature et tout ça, c'est quand même complexe. Hein. Tu as choisi un métier où, justement, cette nature, elle est bien compliquée, quoi, aujourd'hui, non ? Ce qui reste de la nature, en tout cas. Il y en a encore, heureusement. Mais on l'aménage pas très bien. Et oui, c'est compliqué. Et en fait, faudrait qu'on arrive à lier plusieurs choses ensemble, enfin pour qu'on compartimente un peu tout, quoi. La nourriture et l'écologie et la forêt l'humain. Enfin, du coup, on sait même plus comment pousse une tomate et la tomate, pourquoi elle s'est retrouvée là et pas à côté d'un autre truc. Enfin voilà, j'ai l'impression que du coup, on faudrait recomplexifier un peu le système. Donc finalement, peut-être le système est pas assez compliqué. Tu rigoles ? De quel système tu parles d'abord ? Non, du système agricole. Enfin, pas la manière de produire. Après, le système administratif est bien, bien compliqué comme il faut. Mais puis il y a plein de choses en fait qu'on connaît, qu'on comprend pas encore, qu'on connaît pas encore sur la nature. Et comme quoi, par exemple ? Toutes ces interactions entre les plantes ont. Il y a des hypothèses, des théories, mais finalement, on se rend compte... Et c'est un peu ça, des fois, qui me tracasse. Je me dis, on fait plein de théories, plein d'hypothèses, et finalement, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est différent. Enfin, on peut pas... C'est dur de faire des généralités. Et que, du coup, c'est pour ça qu'il faut plein de petites recherches aussi, très locales, pour savoir comment ça se passe ici et pourquoi ça se passe pas comme ça là-bas. Et il y a plein d'espèces qu'on découvre encore. On peut s'émerveiller à chaque fois, je trouve. C'est ça qui est chouette. C'est plutôt positif comme vision, parce que justement, moi, je pensais que... Enfin, en tout cas, on nous dit qu'au niveau de notre alimentation, c'est vachement réduit, quoi, à une sorte de carotte, à une sorte de pomme de terre, à une sorte de salade, que... Voilà, je pensais... Oui. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut recomplexifier le système, parce que là, on est devenu sur un truc très monospécifique, dans un champ, donc une seule espèce, peu de variété. Et ça, c'est pas... Ça engendre pas mal de problèmes environnementaux et de santé, quoi. Donc, ça va pas. Bah oui, j'imagine bien qu'en en agronomie, il y a plein de choses qui ne vont pas, quand même, aujourd'hui, non ? Oui, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses qui vont aussi. Moi, j'ai envie de dire oui. Enfin, il y a quand même plein de gens qui s'y intéressent et qui essayent de trouver des solutions à produire différemment, polluant moins, des produits de meilleure qualité. Il y a quand même pas mal de freins administratifs, des freins aussi culturels. De l'histoire aussi, d'où vient l'agriculture, pourquoi on en est là maintenant, et faire des changements, ça en tant que consommateur, en tant que agriculteur, on doit changer notre manière d'être, et c'est pas évident, donc ça va prendre du temps, mais je pense que ça va venir petit à petit. Ouais, t'es positif, toi, hein, Cédo. Oui, je suis positive. Ah bah c'est bien, tant mieux. Hein. Moi, j'ai rien à. Mais je trouve qu'on est tellement dans une société de business, d'agro-business, mais exagéré. Monsanto, les petites graines hybrides, enfin tout ce bazar, c'est quand même une immense. C'est devenu énorme quand même l'agronomie dans le sens où il y a une maîtrise comme ça, de plus en plus forte sur cette nature. Ouais, on a voulu tout maîtriser. Mais je suis positive et y a une image que je reprends souvent, que je garde en tête de mon père qui me disait le monde c'est comme une boule, il y a une grosse masse qui pousse dans un sens. Puis si tu te mets vraiment à l'opposé, tu peux te faire écraser, mais mets-toi un peu sur le côté et fais juste pousse un peu la boule et elle va dévier petit à petit, quoi, faire un peu levier. Du coup, je reste positive et je. Voilà, j'essaie de comprendre les deux côtés un peu, et puis pas forcément être dans la masse, mais pousser avec eux, mais dans une direction un peu différente. Je sais pas, je me dis que du coup, je sais pas, j'ai pas envie de me laisser écraser et défaite. Voilà, j'ai pas envie d'être défaitiste. Même si je le suis, hein, des fois, je me dis, j'ai envie de dire monde de merde, c'est horrible, pourquoi les gens font ça ? Mais je me le dis, mais je me. Voilà. Sinon, c'est les cours d'écologie que j'avais en master, le pire, c'était l'écologie marine. À chaque fois, je sortais de là et j'étais dépitée. Quand on parlait stock de poissons, destruction des fonds marins, des choses comme ça. Et puis surtout, quand à la fin du cours, le chercheur dit « Bon, ben voilà, à vous de jouer maintenant. Vous êtes, vous êtes les futurs chercheurs. » Ça fout les chocottes un peu. Parce qu'on ne sait pas trop comment faire et que c'est ça, on fait des études très, très, très pointues des fois et qu'il n'y a pas de lien vraiment entre les gens. On se dit comment nous, en tant que chercheurs, on va pouvoir influencer, on va pouvoir aider vraiment les marins, comment on va pouvoir aider aussi les fonds marins, eux, à se reconstruire sans que ça fasse des conflits avec les pêcheurs et comment la police... Enfin, il y a plein, tout un schmilblick. Du coup, on est un peu des fois perdu dans ces trucs-là, mais... Mais en même temps, je trouve qu'on a quand même de la chance parce qu'on peut se poser ce genre de questions. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais je trouve que je me considère quand même chanceuse de pouvoir faire ce métier-là. Parce que je trouve que c'est des questions qui m'intéressent et on me donne le temps d'y penser. Même s'il y a quand même un peu, il faut le dire, la pression de publier des articles, faire des trucs. Mais quand j'ai commencé ma thèse, pendant 2 ans, j'avais pas de boulot. J'ai fait des petits boulots comme ça, à droite à gauche. J'avais besoin de ça, et puis après j'ai eu envie de revenir à la recherche. Et quand je me suis retrouvée devant mon ordinateur, j'avais un peu l'angoisse de me retrouver devant mon ordi. Et je me suis dit, oh, et là, ce que je peux faire, je peux lire ce que je veux. J'avais une thématique et je pouvais lire tout ce que je voulais, ce qui m'intéressait. Enfin, c'est quand même, c'est cool, quoi. Mais faut pas penser qu'on glande rien. Ah mais non, moi, je pense pas ça. Hein. Je pense que, de toute façon, c'est chouette que tu prennes conscience de ça, que tu as de la chance de pouvoir lire, prendre le temps de la réflexion et choses comme ça. Après, ce qui est encore plus fabuleux, c'est quand tu peux mettre ta théorie en pratique. Ça, c'est fabuleux, quoi. Oui, c'est un peu souvent le problème. C'est ce qui nous... Je vois un peu quand je fais le tour des doctorants maintenant, après 2 ans de thèse, tout le monde est un peu frustré parce qu'on a envie d'aller aussi plus loin, de concrétiser. Quoi. Mais bon, ça met du temps. Bah, par exemple, pour ici en Belgique, l'agroforesterie, il y a des arbres, mais ils ont, je crois, le maximum, ils ont 7 ans. Bon, voilà, à savoir, les interactions, elles évoluent toute la vie de l'arbre. Les processus biologiques mettent du temps. Il y en a qui s'intéressent aux micro-organismes dans le sol en fonction du type de pratique. Bah, ça, c'est pareil. La première année, il n'y aura pas d'effet. La deuxième année, il y aura peut-être un effet qui va changer. Donc voilà, c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps. Donc c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression de tout toucher un peu des bouts de doigts sans faire quelque chose de concret. Et puis aussi parce que finalement, on a 4 ans pour faire un projet, que plus on s'intéresse à la question, plus on a d'interactions avec d'autres chercheurs, avec d'autres groupes qui nous proposent, avec des agriculteurs ou qui nous proposent des choses concrètes. Et en fait, là, on ne peut pas trop faire ça. Parce qu'on n'a pas trop le temps par rapport à quand même à ce qu'on doit faire pour finir notre doctorat, c'est-à-dire publier des articles, faire quand même de la recherche. Donc c'est un peu dur des fois de se retrouver entre les deux. On a quand même des petites frustrations par rapport à ce manque de concret, quoi. Et allez, une dernière encore. Et les agriculteurs, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es en contact direct avec eux? Les agriculteurs ou les agricultrices, évidemment. Hein, je pense aussi aux dames qui... Mais est-ce que d'abord tu les côtoies et comment est-ce que tu vois leur métier, quoi? Je dis ça parce qu'ils sont en ligne directe, évidemment, avec cette nature, avec cette agriculture, avec ce business, avec... voilà. Je suis en contact avec différents types d'agriculteurs. Il y a les agriculteurs de l'université. Mais c'est une ferme expérimentale, quand même. Et ils ont aussi leur ferme à côté, ou ils travaillent dans des fermes. Qui ont une vision plutôt conventionnelle de l'agriculture, donc l'agriculture qu'il y a maintenant, mais qui se rendent compte aussi un peu des limites, qui n'en sont pas forcément contents, qui... L'agriculture conventionnelle, rappelons-le, c'est avec la chimie, quoi, la chimie qui aide, c'est ça, hein, l'agriculture conventionnelle. Oui, en gros, c'est ça. C'est l'agriculture... Oui, c'est ça. Et après, il y a des agriculteurs... Je connais quelques personnes qui font de l'agriculture bio, qui ont eux une toute autre démarche, qui sont quand même positifs par rapport à. Enfin, qui ont envie d'aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était un objectif de cette plateforme-là de 20 doctorants. On voulait faire un conseil d'agriculteurs pour justement ancrer nos recherches dans la réalité. Et pouvoir les confronter, différents types d'agriculteurs de différents âges. Voilà, ça s'est pas fait, ça va se faire. Super idée, ça! Ouais, ça serait chouette. Là, il y a une doctorante, celle qui a toqué à la porte tout à l'heure, justement, qui commence son doctorat, et elle aura un comité scientifique et un comité d'acteurs du territoire, donc qui comprend des agriculteurs, des consommateurs. Il y a une association... dans les marcheurs en plein air, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein d'ASBL qui sont regroupés à son comité-là, son comité d'acteurs du territoire, parce qu'elle travaille dans une région précise de la Belgique. Et donc, du coup, elle avait envie de voir... on a fait une première réunion où elle leur a un peu posé la question. Pour vous, l'agriculture, c'est quoi? Et qu'attendez-vous de l'agriculture? Aux agriculteurs, à tous les gens qui étaient là, genre les consommateurs, les agriculteurs... Ouais. À tout le monde. Et c'était assez intéressant. Bon, il y avait plutôt les écolos et les agriculteurs qui étaient un peu en conflit. Il y avait des personnes qui s'occupent d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils fassent de la transformation de leurs produits à la ferme. Donc il y avait aussi différents points de vue. Il y avait un agriculteur à la retraite, il y avait des enseignants, il y avait des... Et voilà, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même un manque de communication entre ces gens-là. Et que finalement... C'est toujours ce problème. Ouais, c'est ça. La communication, on en parlait avant de commencer. Et que finalement, personne ne veut de mal à personne. Hein. Et c'est juste que les intérêts ne sont pas vraiment les mêmes, des fois. Mais je pense que ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient tous d'accord pour qu'il y ait quand même un soutien à l'agriculture et aux agriculteurs dans... leur métier, mais aussi leur manière de produire, mais aussi leur bien-être, parce que c'est des gens qui ont quand même pas mal de pression. Et que le consommateur attend beaucoup de la production, mais finalement ne soutient pas forcément l'agriculteur en tant que... Enfin, il va vouloir des produits de bonne qualité, des choses comme ça, mais est-ce qu'après, lui, il va être il va faire le geste, par exemple, d'acheter à la ferme ou d'acheter chez un petit producteur local ou pas. Donc finalement, je trouve que là, c'est tu parles du consommateur. Du consommateur, voilà. Donc les agriculteurs ont mis ça aussi en avant, en disant voilà, on veut bien, mais il faut qu'il y ait aussi que ça soit dans les deux. Nous, on est soumis à certaines contraintes, on est sous pression. Et si les consommateurs aussi nous mettent la pression, mais nous aident pas, enfin voilà. En tout cas, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un manque de communication et qu'il fallait essayer de développer ça. Et je trouvais ça intéressant. Elle en aura plusieurs, je vais essayer d'y aller à chaque fois avec elle. Et voilà. C'est bien, c'est des choses concrètes, ça, au moins. Ça fait du bien. Et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas, ça fait pas de mal d'en parler, quoi. Bah oui. Sido, je laisse le petit mot de la fin. Tu peux terminer sur une petite pensée rien qu'à toi, une petite pensée philosophique, poétique, humoristique. Ce sera tes mots qu'on entendra. Ouais, tu me mets la pression. Tu veux que on mette de la musique à la place? Ouais. Tu veux pas les deux, un petit mot de Sido et une petite musique? Allez. Non? Bon, bah, c'est terminé. Petite musique, c'est bien. Petite musique, c'est bien. Une petite musique, c'est bien. Tu vas dire bonjour à maman, à papa. Ah, je sais pas si mon tambour est sur Sur internet. Ah, sur internet. Ça dit papa, c'est de maman. Frigo, dire des choses, tu vois, très un truc. Si leur frigo va bien, et tout ça, quoi. Faites un câlin au chien de papa. Merci Sido.